314. Observation. The indefinite articles un and une. Pour l'histoire, nous allons choisir un jeune homme et une jeune fille. Masculin, un jeune homme, un ami. Féminin, une jeune fille, une amie. Un and une are indefinite articles. The pronunciation of un in un ami is different from its pronunciation in un jeune homme. In un jeune homme, un represents a vowel sound without a consonant. In un ami, it represents the same vowel sound plus the consonant n. This is true in all cases where un precedes a word starting with a vowel sound, like ami or étudiant. This is an example of liaison, which is discussed further in Lesson 4.